Vous écoutez France Culture. Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, Gerasim Louka. Gerasim Louka est certainement, malheureusement, un poète, ou disons plus largement, un écrivain qui, aujourd'hui, est largement méconnu. Et pourtant, c'est certainement quelqu'un qui a le plus marqué les lettres d'expression française de la seconde moitié du XXe siècle, et l'un des poètes les plus originaux, à la fois dans son trajet, dans son parcours, et dans sa manière d'écrire. Il faut se rappeler qu'il est roumain d'origine, qu'il s'est exilé en France, ou qu'il a émigré en France, je ne sais pas de quel mot il faut se servir au juste, qu'il a beaucoup fréquenté les surréalistes, et qu'il a terminé sa vie, voici un peu plus de 10 ans, en se suicidant. En réalité, à travers toute l'œuvre de Gerasim Louka, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'impatience des limites, et en même temps, du creusement incessant, si ce n'est de l'exaltation, de l'amour, pour ne pas dire de l'éros. Et à travers le texte qui est mis en scène à la fin du mois d'avril, au début du mois de mai, Héros limite, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui amène à ce que l'on a appelé, à partir d'autres auteurs, particulièrement des auteurs scandinaves, un athéisme mystique. Et évidemment, je pense à l'œuvre de quelqu'un comme parle Lajkarvist. Un athéisme mystique, on pourrait penser au départ que c'est un oxymore, c'est-à-dire une expression paradoxale, mais on comprend assez rapidement, et c'est sans aucun doute quelque chose qui doit nous interroger, que derrière l'athéisme, derrière la non-croyance en un dieu quel qu'il soit, c'est-à-dire en une figure discernable, il y a en même temps l'intuition, pour ne pas dire la perception, peut-être confuse mais tout à fait véritable, de quelque chose qui ressortirait de ce que aujourd'hui nous appellerions le réel de base, le réel avec un grand R majuscule, et que ce qui compte en fin de compte, c'est le style et ce sont les étapes même de la démarche par laquelle on essaie, à travers le langage éventuellement, comme dans le cas de Gerasim Louka, on essaie d'aller vers ce réel. Cette émission est faite en collaboration avec la Maison de la Poésie à Paris et nous avons avec nous Laurent Vacher qui en est le metteur en scène et comme comédien Alain Fromager, de même que le musicien Johan Richet. Gerasim Louka, c'est un poète, un grand poète. Il est né en Roumanie, il s'est mis à écrire, il a essentiellement de la poésie. Il va, après la Seconde Guerre mondiale, il va rejoindre Paris après un tumultueux voyage, et là où il va s'établir jusqu'à la fin de sa vie. Et là où il a élaboré donc toute une œuvre poétique, à travers de plusieurs recueils, jusqu'à sa disparition, puisqu'il va se jeter dans la Seine en 1994, et disparaître comme ça dans les flots de la Seine, comme son ami Paul Celan, quelques années auparavant. « présenter Gerasim, c'est donc un jeune poète donc, qui très vite va écrire en roumain, mais aussi en français, qui était la langue un peu des intellectuels, enfin une partie des intellectuels en Roumanie. Et très vite aussi, évidemment, il va être approché par le mouvement surréaliste. Il n'adhérera jamais au mouvement surréaliste, il sera très lié à André Breton, mais ne rentrera jamais réellement dans ce mouvement-là, même si on dit que c'est le dernier poète surréaliste. Autodétermination. La manière de maman, la manière de maman de s'asseoir, sa manie de s'asseoir sans moi, sa manie de soi, sa manière de wa, wa, wa, wa, le soir, de s'asseoir le soir sans moi, la manie de la manière chez maman, la manie de soi, le soir là, de s'asseoir là, de s'asseoir, oui, de s'asseoir non, le soir là, là où la manière de s'asseoir chez soi sans moi, s'asseoir à la manière de, à la manière du noix en soi, elle est la soie en soi, oui, oui et non. La manie est la manière de maman de s'asseoir chez soi, sans moi. S'asseoir chez soi, chérie, chez soi et toute seule, chérie. Le soir à la manière d'un cheval, s'asseoir à la manière d'un cheval et d'un loup. D'un chaloup, oh chérie, oh ma chaloupe de soi, oh oui, s'asseoir, non. S'asseoir le soir et toute seule chez soi, oh non et non. Manière de s'asseoir sans moi chez soi, sans moi, sans chez... Oh chérie, c'est une manière, chérie. C'est une manie de la manière de s'asseoir chez soi sans chaise, s'asseoir sans chaise, c'est ça, c'est une manière de s'asseoir sans chaise. C'est le privilège des gens qui écrivent dans leur langue qui n'est pas maternelle, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils ont la liberté de réinventer des choses que peut-être nous, qui avons cette langue française, enfin, qui est par exemple pour moi ma langue maternelle, qui n'aurait pas forcément idée de redécouper comme ça, avec son bégaiement, avec cette façon dont il a d'aborder l'écriture et d'aborder, je dirais, l'oralité de son écriture. Mais alors, Laurent Vauchez, vous signaliez qu'arrivant à Paris, il est proche du milieu surréaliste, il est proche d'André Breton en particulier, et qu'il ne s'est jamais réclamé du surréalisme en tant que tel. Et on aimerait bien comprendre quand même ce rapport, surtout dans la mesure où le surréalisme d'après la Seconde Guerre mondiale n'est plus exactement le surréalisme d'avant la guerre. Tout à fait. Gerasim était un apatride. Voilà. Donc, je pense qu'il y avait, alors, de toutes les façons, il ne voulait pas adhérer à quelque chose. Il voulait absolument rester sans aucune appartenance à un mouvement quel qu'il soit. Il était en France sans nationalité. Il était sans appartenance à un parti, à un mouvement. Il avait ses préférences, il avait ses coups de cœur, il avait ses amis, il avait ses passions, mais il ne s'enfermait dans rien. Donc même pas dans le mouvement surréaliste. Le rêve en action. La beauté de ton sourire, en cristaux, les cristaux de velours, le velours de ta voix et ton silence absorbant, absorbant comme la neige, chaude et lente, lente est ta démarche diagonale, diagonale, soif, soir, soie et flottante comme les plantes sont dans ta peau les décoiffe, elle décoiffe ton parfum est dans ma bouche, ta bouche est une cuisse qui s'envole, elle s'envole vers mes dents, te dévore. Je dévore ton absence est une cuisse, cuisse ou soulier, soulier que j'embrasse. J'embrasse ce soulier, je l'embrasse sur ta bouche, car ta bouche est une bouche, elle n'est pas un soulier miroir que j'embrasse. De même que tes jambes, de même que tes jambes de même, que tes jambes de même que tes jambes, jambes du soupir, soupir. Du vertige, vertige de ton visage. J'enjambe ton image comme on enjambe une fenêtre, fenêtre de ton être et de tes mirages, ton image, son corps et son âme, ton âme, ton âme et ton nez. Étonné, je suis étonné, né de tes cheveux, ta chevelure en flamme, ton âme en flamme et en larmes, comme les doigts de tes pieds sur ma poitrine dans tes yeux dans la forêt liquide, liquide et en os, les os de mes cris, j'écris et je crie dans ma langue déchirante, je déchire tes bras, tes bas, délirant, je désire et déchire tes bras et tes bas. Le bas et le haut de ton corps, frissonnant, frissonnant et pur, pur comme l'orage de ton cou, cou de tes paupières, les paupières de ton sang caressant, palpitant, frissonnant, frissonnant et pur, pur comme l'orange, orange de tes genoux, de tes narines, de ton haleine, de ton ventre. Je dis ventre, mais je pense à la nage du nuage, nuage du secret, le secret merveilleux. Merveilleux, comme toi-même, toi sur le toit, somnambulique et nuage, nuage et diamant, c'est diamant qui nage avec souplesse. Tu nages souplement dans l'eau de la matière de mon esprit, dans l'esprit de mon corps, dans le corps de mes rêves en action. Et lorsqu'on lit les poèmes de Gerasim Luka, Laurent Vaucher, on est très frappé par l'usage qu'il a de la langue que vous signaliez. Et d'une certaine manière, ça me fait beaucoup penser à cet auteur de la fin du 19e siècle, dont nous a tellement parlé Michel Foucault, qui était Brissé. C'est-à-dire la manière de découper la langue, de faire dire aux mots, de jouer sur les assonances, et éventuellement d'avoir des rapprochements auxquels on ne s'attend pas du tout. C'est-à-dire qu'il découpe, les mots pour les reconstruire. Hein, il va découper les syllabes, découper les sons pour les isoler, pour le repartir vers un mot. Et finalement, l'association de ce découpage d'un mot ou vers un autre mot va emmener le sens, va nous perdre par moment. Et c'est toujours bon de se perdre. Et nous ramener au sens de ce là où il, de lui, de ce qu'il veut nous raconter, de ce qu'il veut dire, quoi. Et c'est un travail très minutieux parce que c'est pas un jeu du hasard, c'est une construction très précise, très rigoureuse qu'il fait, puisque rien n'est laissé au hasard, ni le nombre de syllabes découpées, ni le rythme est très très important dans son écriture. Hein. On s'en rend compte dès lors qu'on lit à haute voix ses poèmes. C'est vraiment capital. Et c'est ce découpage par ce bégaiement, un bégaiement qui n'est pas qui est un bégaiement très stylisé, travaillé, qui emmène de son en son à fracturer un mot pour construire un autre mot et aller de plus en plus loin, quoi. C'est la fragmentation, quoi. Il faisait du pointillisme. Hein. Il était donc c'est une chose, je pense, à un mouvement qu'on retrouve comme ça dans son écriture, qui est vraiment, je dirais, un travail presque calligraphique, un travail de peintre, un travail pour décortiquer le mot de son essence, en sortir que les sons et de ces sons finalement qui nous ramènent à d'autres mots, et d'autres mots qui vont à nouveau être décomposés, et ainsi de suite. Comme des incidents, comme des accidents, mais tout ça, évidemment, lui, il le travaille minutieusement, quoi. Mais d'une certaine manière, Laurent Vaucher, on a l'impression que, à travers ce travail sur les mots, Gerasim Luka, je dirais, nous amène hors de tout sens, dans ce que, je pense, la moyenne des gens appellerait l'insensé, et qu'éventuellement, c'est là, précisément, que se trouve véritablement le sens le plus profond. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut accepter de se perdre, ce que je disais précédemment, et il faut accepter de ne pas comprendre et de se laisser aller à ressentir les choses, à être dans ce qu'on reçoit, de ce qu'on ressent, et pas forcément d'être dans une chose balisée, avec son début, son milieu, sa fin, être dans une chose comme ça qui est fragmentée. On se perd, on se perd, on se perd, on se perd avec lui, à perdre haleine, à perdre la raison. Et en même temps, finalement, c'est là où le sens, moi, me parvient. C'est-à-dire que c'est là aussi où les choses m'intéressent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh ben c'est l'âme, c'est le cœur, c'est ce qu'il a à dire de plus fort qui jaillit quoi sur l'amour, sur la mort, sur la haine, sur ces choses-là. Mais c'est on revient toujours à cette essence-là, à cette émotion-là quoi. Alors, ce qui est curieux, Laurent Vauchez, c'est que, étant donné ce que l'on peut savoir de ce que pensait profondément Gerasim Luka, ce que vous dites me fait énormément penser au processus mystique. Je veux dire par là la manière dont on se trouve en se perdant, et particulièrement en s'étant perdu à travers le langage. Et on a l'impression que, tout aussi, entre guillemets, athée qu'il fut, Gerasim Luka est très très proche de cette démarche. Oui. C'est-à-dire qu'on peut, c'est un vaste, mais on peut être athée, on peut être sans appartenir à une religion, à un homme. C'est pas pour autant qu'on n'est pas un homme sans croyance, sans croire. Je pense que Gerasim, c'était quelqu'un qui croyait en une chose immatérielle, une chose comme ça, de l'âme, de la portée, de ce qu'on fait, c'est finalement de ce qu'on fait nous sur Terre, et qu'on n'est pas là complètement par hasard, et que si Gerasim s'est forcé et poumonné à écrire tous ses poèmes, c'est parce qu'il avait cette espèce de petite voix de cette chose qui disait « il faut que j'exprime ça, il faut que je dise ça ». Et c'est vrai que ça peut être un côté... Il y a une dimension cosmique, il y a une dimension dans Hérolimite. On a l'impression qu'il dit il faut passer par le trou, il faut mourir pour renaître, pour revivre par l'amour, et c'est une dimension oui qui peut être qui est au-delà de toutes les façons. Il y a un mysticisme, mais qui est au-delà de toute forme de religion. De toute façon, il n'avait pas de religion. Il était apatride, et apatride sans rien. Ouais, c'est un type, je pense, qui sa façon de croire, sa façon d'espérer, sa façon d'espérer dans ses joies, dans ses pleurs, dans ses cris, c'était toujours de dire à l'homme, regarde, réveille-toi, fais confiance à tes sens, fais confiance à tes émotions, fais confiance à tes pulsions d'amour, va, avance. Mais ce qui est très, assez étonnant, Laure Vauchez, en vous écoutant, je faisais allusion mystique, mais l'importance du trou sur lequel vous insistez, on pourrait aussi bien le lire, je dirais, d'une manière lacanienne, et le meurt pour renaître, on sait très bien que c'est la devise quasiment de l'alchimie. Donc on a l'impression que Gerasim Luka, en réalité, peut être lu de différentes manières et peut parler finalement à des publics très différents. Moi, je pense qu'un poète comme Gerasim Luka est abordable par vraiment un public très vaste. C'est la chose essentielle pour approcher l'écriture de Gerasim, c'est accepter de se perdre avec lui. Accepter de se perdre dans ses mots, accepter de se perdre dans le langage pour retrouver des sentiments simples, des sentiments d'amour, des sentiments de partage, des sentiments de donner, des sentiments de recevoir. Reconnaître son désespoir, reconnaître le désespoir de l'autre, Et que ça, c'est donné à tout le monde. Tout le monde peut entendre cette langue-là. Tout le monde est à même d'entendre cette chose-là. Je dis 7 mai. Mais c'est-à-dire je dis oh. Je dis jour et oui. Jour et nuit, je le dis. Que oui, aujourd'hui, je dis le 7 mai. Je dis mort. Je dis mort. Morte, comme on dit, on me dit 3. 7 et 3, faux, fond, 10. On dit 10 comme on le pense. C'est-à-dire comme le 3. Le troisième dé de la terre. On se tait, on me tait. Se taire comme le troisième terme issu de je pense qu'on me pense et de ce suis. Je suis décidé de. Je suis le dé qu'on jette sur le 3-7. C'est-à-dire comme le 3. Le troisième terme issu de ce suicider. Et être suicidé au dé ou à la scie. Le troisième terme réco. L'écho de la scie et du dé, réconcilia, réconciliateur. Oui, il y a la réconciliation entre se suicider et être suicidé. À l'insu du troisième terme issu de l'insurrection et de la ré-susure, de la résurrection. D'une certaine façon, Laure Vauchez, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que écouter du Garcim Luca ou le fréquenter à travers ses textes, c'est d'une certaine manière aboutir à ce qui est de l'ordre d'une révolution intérieure, si on laisse vraiment le texte travailler en soi, est-ce que quand même ça ne touche pas à l'une des choses qu'il cherchait ? Oui. Oui, je pense qu'en fin de compte, c'est évidemment qu'il cherche à nous bousculer. Je pense que tout artiste cherche à un moment donné à bousculer, à provoquer quelque chose chez son auditoire, chez les gens vers qui il s'adresse, quoi. Et que déjà l'entendre, c'est accepter de se... Comme je le répète souvent, c'est accepter de se perdre, donc aussi de paniquer dans cette perdition, de perdre pied. Et en perdant pied, on ne sait pas où on va remettre les pieds. Au moment où on va remettre les pieds, peut-être on découvre un nouveau territoire. Et c'est peut-être là ce qu'on peut appeler, entre guillemets, peut-être une révolution en soi. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'ouvre à autre chose, à une nouvelle compréhension de soi et des autres. Et peut-être que Gerasim participe à cette révolution, à cette évolution-là, par les gens qui rentrent dans son écriture, quoi, et qui apprécient son œuvre et son propos. Et c'est aussi un homme charnel, c'est un homme truculent, c'est un homme de vie, c'est un homme de chair, c'est un homme... Parce que je voudrais pas qu'on ait une espèce d'impression qu'il n'est qu'un espèce de type de tête qui... Non, c'est un homme c'est un homme de chair, c'est un homme qui vibre entièrement de sa chair, et ses poèmes en sont pleins, quoi. Et quand on les reçoit, quand on lit cette poésie, moi c'est toujours ça qui m'a bouleversé, surtout sur le recueil Héros Limite, c'est que c'est une chose qu'on reçoit intellectuellement, mais qu'on reçoit physiquement. C'est quelque chose qui vous emmène émotionnellement sur quelque chose qui... Vous ne regardez pas la vie, vous ne regardez pas la façon de parler, la façon de s'exprimer, la façon d'aimer de la même façon avant et après Luca. Vous parliez de la façon d'aimer, et on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre, je dirais pas de l'amour fou, parce que là évidemment on pense tout de suite à André Breton, mais qu'il y a quelque chose de l'ordre, je dirais, de la folie de l'amour chez Gerasim Luca. Oui, folie de l'amour, ouais. Sûrement qu'il y a une folie de l'amour chez Luca. Je pense que l'amour dans tous les sens du terme, que ce soit l'amour spirituel, l'amour physique, a toujours tiré, poussé sa vie, quoi. Et l'amour fou, ouais, il décrit l'amour fou, mais comme quelque chose finalement... C'est bon de connaître l'amour fou, quoi. C'est pas forcément... C'est inquiétant, ça fait peur, ça peut donner le vertige, mais... Mais finalement, l'amour fou, c'est plutôt pas mal. Non, mais parce que je me rappelle un texte de Gerasim Luca, que vous devez connaître, bien entendu, dans lequel il explique que finalement, c'est à travers, je dirais, l'absolu et la totalité de l'amour que, en fin de compte, s'effectuera la révolution. Oui, La révolution, ça fera par l'amour. Hein. Bah oui. Je pense que c'est... J'espère qu'il a raison. en tous les cas, oui, je pense que si chacun se met à appliquer l'amour comme ça, de cette manière-là, peut-être il y aurait une très grande révolution qui se passerait. Une immense révolution qui se passerait. Il bousculerait tout. On serait tous apatrides. Prononcer ces mots tout à l'heure, Laurent Vauchez, en disant l'amour peut être l'amour spirituel ou l'amour de chair. Et en lisant Gerasim Luka, j'ai l'impression que chez lui, il n'y a pas vraiment une très très grande différence et qu'au contraire de notre culture, dans laquelle l'esprit est d'un côté et la chair est de l'autre, que pour lui, finalement, ce ne sont que les deux versants, les deux aspects d'une même réalité de fond. Oui, c'est vrai. Ça va de pair. Ça va ensemble. C'est vrai que vous avez raison, il n'y a pas de séparation. C'est une chose qui va ensemble et Ouais, c'est-à-dire que c'est l'amour de la chair qui transforme l'amour spirituel et c'est l'amour spirituel qui va transformer l'amour de la chair et donc de toutes les façons, ça va rouler ensemble. Et que ces choses-là, c'est parce que vous aimez que vous changez, c'est parce que vous changez que vous aimez différemment, et ça va être un espèce de va-et-vient permanent, quoi. Aimer à perdre la raison, à perdre. Mais est-ce que ce n'est pas en perdant la raison que l'on retrouve, je dirais, une raison plus haute? Oui, c'est toujours, de toute façon, c'est l'expérience de se perdre, l'expérience de perdre la raison, de perdre ses moyens, le fait de partir dans une espèce d'errance, une espèce de voyage comme ça, de perdre ses repères, de ne plus avoir, de plus savoir où on est, comme ça, et puis d'un coup, on raterrit, on reprend à un nouveau territoire, on regarde différemment, ce territoire... il vous apporte de nouvelles choses, vous apportez de nouvelles choses à ce territoire, et les choses comme ça vont et viennent. Un peu. Ainsi va la vie, quoi. Il l'a décrit passionnément. Autre secret du vide et du plein. Le vide, vidé de son vide, c'est le plein. Le vide, rempli de son vide, c'est le vide. Le vide, rempli de son plein, c'est le vide. Le plein, vidé de son plein, c'est le plein. Le plein, vidé de son vide, c'est le plein. Le vide, vidé de son plein, c'est le vide. Le plein, rempli de son plein, c'est le plein. Le plein rempli de son vide, c'est le vide. Le vide rempli de son vide, c'est le plein. Le vide rempli de son plein, c'est le plein. Le plein rempli de son vide, c'est le plein. Le plein vidé de son vide, c'est le vide. Le vide rempli de son plein, c'est le plein. Le plein vidé de son plein, c'est le vide. Le plein rempli de son plein, c'est le vide. Le vide vidé de son vide, c'est le vide. C'est le plein vide. Le plein vide, vidé de son plein vide. De son vide, vide, rempli et vidé. De son vide, vide, vidé de son plein, en plein vide. Si on reprend le langage de Gerasim Luka, vous l'avez dit, Laurent Vauchez, il désarticule les mots, si l'on veut dire. À la limite, il les réduit à une suite de phonèmes. Et on se rend compte que finalement, les mots finissent par se transformer les uns dans les autres, comme si, d'une certaine façon, tout était contigu à tout et que on découvrait une sorte d'unité totale du monde à travers un langage complètement éclaté. Le décortiquage des mots nous emmène... Vous prenez un mot que vous pensiez le connaître par cœur, tellement bien le connaître que vous l'utilisez comme ça, à bon escient, tous les jours, puis tout d'un coup, il vous le décortique, son par son, il vous l'emmène, ces sons vont se recoller autrement, vont se former autre chose. Pour prendre un autre sens, pour prendre une autre, comme une autre latitude. Et puis, ils vont chanter, quoi. Il va y avoir comme une musique qui se met comme ça dans cette fracturation, dans ces espèces de syllabes bégayées, balancées. Et vous vous perdez là-dedans, vous vous demandez mais où il va, où il m'emmène. Puis il vous emmène finalement sur un autre mot. Ce mot finalement se raccroche à ce mot précédent. On se demande ce qu'ils viennent faire l'un et l'autre ensemble. Puis ils se redécortiquent. Un troisième mot finit à un moment donné par arriver. Et là, les trois finissent par donner du sens. Un sens qui peut être, qui des fois est un sens subjectif, qui n'est pas forcément... En plus, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le sens n'est pas forcément un sens imposé. Ça peut être ça peut être aussi sur ce que vous, comment vous le prenez, comment vous le ressentez. Et puis là, petit à petit, vous rentrez dans l'écriture de Luca. Et c'est là où les choses... Et là, vous allez trouver les thèmes, vous allez trouver ces thématiques à lui, mais ça va se faire comme ça, sur la déconstruction et la reconstruction, le bégaiement du langage, sa fracturation, sa mise en miettes. Mais c'est pas une mise en miettes, c'est pas détruire, c'est une mise en miettes pour que ça se reconstruise, pour que ça reprenne. C'est Hérolimite et tous les poèmes quoi du recueil quoi. Je pense il y a ce grand poème comme ça Hérolimite au départ sur ce, avec effectivement où tout d'un coup le lecteur ou l'auditeur va découvrir cette fragmentation des mots, ces sons, ces syllabes qui partent en écho, ta ta ta tam, tac tac, et puis il va être bousculé, il va être emmené, puis après chacun des petits poèmes, enfin des petits poèmes, je ne sais pas si on peut dire petit poème, mais enfin chacun des poèmes va reprendre des thèmes comme ça finalement de Hérolimite et vous emmener jusqu'à aimer à jamais. Et ça, c'est. Et là par contre, sur aimer à jamais, vous allez retrouver quelquefois un petit peu comme ça encore de ce travail de la fragmentation, mais quasiment plus. Où tout d'un coup, on retrouve même une ponctuation, des paragraphes, des majuscules, tout se remet comme ça. Et pourtant, le sens d'aimer à jamais, à chaque fois vous vous perdez, vous pouvez le lire ce poème 1000 fois, 2000 fois, l'entendre sur comment aimer, comment être aimé par son aimé et comment aimer son aimé, et ben finalement ça finit par être un tourbillon, une combinaison sans fin. Et c'est finalement, c'est tout l'apprentissage de Hérolimite qui vous revient, quoi. Et vous repartez au premier poème, Hérolimite, avec les 16 objets, avec les trous, et vous allez repartir, et vous allez revenir à aimer à jamais, et de aimer à jamais, vous repartirez. Thank you. d'une certaine façon, précisément lorsqu'on suit la trajectoire de l'héros limite, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il a fallu détruire le langage, tout au moins tel que nous le connaissons d'habitude, il a fallu le mettre en miettes, comme vous disiez, pour aboutir à un autre langage, ce langage final, qui lui serait beaucoup plus proche de la réalité, dans la mesure où le langage commun ne trahirait la réalité à travers tout ce à quoi nous sommes habitués, et plus proche d'une réalité qui, en même temps, reste de l'ordre du mystère. Ouais. C'est sûr qu'il est mystérieux, Gerasim. Peut-être, mais je pense une fois de plus qu'aussi cette façon de peut-être de rentrer dans son mystère, c'est aussi peut-être sur cette approche qu'un jeune Roumain finalement de se mettre à écrire en français. Pourquoi prendre le français ? C'est la langue des intellectuels, c'est la langue des lettres, c'est la langue d'une certaine forme de littérature, une grande littérature, soit. Et en même temps, de se lancer dedans comme un apprenti, finalement, syllabe par syllabe, mot par mot. Mais en même temps, du coup, il la découvre comme ça, d'une façon sensorielle. Et il nous emmène, du coup. Après, il nous emmène, lui. Il continue, il va plus loin, évidemment, dans ce jeu. Et il nous emmène avec ça, quoi. C'est un travail, je pense, ça devait être un minutieux, quoi. Ça devait être un type qui travaille énormément sur ses poèmes comme ça. Il m'est déjà arrivé, Laurent Vauchez, de faire lire des textes de Gerasim Luka à des psychiatres de ma connaissance, ce que j'appellerais des psychiatres courants, ouais. Et qui, en le lisant, dit là, on voit bien que c'est de la littérature de psychotique. Alors, moi, ce que je me demande, c'est que, bon, bien, évidemment, je ne peux pas être d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de... Je vais reprendre la formule de Rimbaud en la changeant un peu, non pas de dérèglement de tous les sens, mais de dérèglement du sens qui précisément permet d'aborder à ce sens qu'il cherche et qui d'une certaine manière se dérobe toujours à travers son langage. Oui. Moi, je pense que oui, le dérèglement est. Je pense que c'est capital de passer par le dérèglement et Luka nous l'apprend, nous le montre très bien. Après, est-ce que c'est un auteur, comme vous dites, sur la psychanalyse, ou bien sûr qu'il a été influencé, qu'il a étudié ces choses-là, mais ça, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faut le prendre, vraiment. Que, si vous voulez, moi la parole des psychiatres, je l'entends en disant, après tout, pourquoi n'aurait-il pas un noyau psychotique dans la mesure où la psychose dit quelque chose de la vérité de l'humain ? Ah oui. Oui, bah alors là, d'accord. Moi aussi, alors. D'accord. Je pense que ça, son travail finalement de déconstruction comme ça, de déstabilisation, de toute cette chose là qui dans laquelle il nous emmène, c'est évidemment pour nous apprendre à. Enfin, nous apprend rien du tout. Il nous montre, c'est pas quelqu'un qui va, mais c'est, il va nous emmener comme ça dans un profond, dans un très fond, que ce soit même parce qu'il en parle, il en parle très bien, même de son désespoir du monde, de son désespoir de la vie, qui finalement pourrait être tout le monde est amené au désespoir quand on est adolescent. Souvent, on a une mélancolie qui peut aller au désespoir et même jusqu'à des actes définitifs. Mais c'est lui, il y a toujours cette petite flamme, de toutes les façons. C'est comme si, de toutes les façons, lui, il a décidé qu'il maîtriserait complètement cette chose, parce que, de toutes les façons, il a décidé du jour où il s'arrêterait. Héros limite. La mort folle, la morphologie de la méta, de la métamore, de la métamorphose où la vie vit, la vie vis, la vivisection de la vie, étonne. Et est un nombre de chaises, un nombre de 16 aubes et jets, de 16 objets contre la mort, ou, pour mieux dire, pour la mort de la mort, ou pour contre-la. Oui, c'est mon avis, contre-la, oui, contre la vie, c'est-à-dire pour une vie dans vidant, vidant dans le vidant, vidé, vidé, la vie dans, pour une vie dans la vie. Il y a une autre figure qui me semble absurde, enfin une figure, une présence, je dirais, qui me semble absolument capitale dans l'œuvre de Gerasim Luka, qui a à voir d'ailleurs avec la déconstruction, qui a certainement à voir avec l'amour, et qui est la présence de la mort. On a l'impression que d'une certaine manière, elle est omniprésente. Tout le temps. D'ailleurs, il a écrit 6 ou 7 façons de se suicider, qui sont absolument de façon absolument. Voilà. La mort est présente pratiquement, on la retrouve dans tous ses recueils, quoi. Il en parle souvent, comme une chose qui n'est pas forcément une chose sombre et noire. Elle est aussi libératrice. La mort, elle est pas forcément dans une image noire et sombre. Elle peut être différente. Et en plus, on peut la décider. On peut, il nous dit finalement, la mort, mais la mort, vous pouvez la décider et vous pouvez, on peut mourir à peu près quand on veut, quoi. Par contre, on peut vivre aussi, on peut vivre comme on veut, quand on veut. Ça, mais c'est plus compliqué peut-être. Mais si on dit qu'on vit et qu'on va pour vivre comme on veut, ça veut dire qu'à un moment donné, on sait qu'on va mourir et qu'on accepte sa mort, la potentialité de sa mort. L'expérience, je pense aussi, de Luka à travers des événements historiques qu'il a pu traverser, à travers l'histoire, quoi, lui ont fait approcher d'une certaine façon la mort. Il a pu la voir et l'envisager de plein de différentes façons, quoi. Et en même temps, y échapper. Et en même temps, un jour, il finit par décider de se l'appliquer. Et quand je dis vie, vie dans la vie, je le dis comme on dit il est, elle a, elle est l'état dans l'état. C'est à, c'est-à-dire le T, le terme, le saint, T-saint comme T, comme thèse, le terme synthèse de l'an, de l'anti, de l'antinon, et momie, de l'antimomie sur un plat de compote de porc, sur le plan du comport, du comportement de 2, 3, 7, 3 du troisième terme de 2 cités, de 2 ces cités plastiques, de 2 élasticité contre, contre, contracte, de 2, 3, de 2 élasticités contradictoires comme l'impair, comme l'imperméabilité paierait la peine de naître pendant une traction du moi, pendant une contraction impair de mon moi et de son elle-même, les 2 elles-mêmes du moi pair et habile, les 2 élasticités contradictoires comme l'imperméabilité et la pénétration par, parfait, parfaitement réconcile, s'il réconcilier. La question que je me pose, Laurent Bochet, d'une certaine façon, c'est de savoir si la poésie telle que la pratique Gerasim Luka, je dirais, n'est pas le comble de la philosophie. Je veux dire par là qu'il a une sorte de rapport, on le voit, intime à la vie, à tout ce qui emporte la vie, comme l'amour, ou ce qui joue avec elle, c'est-à-dire la mort. Et au lieu de le réfléchir, enfin au sens de la réflexion raisonnée, on a l'impression qu'il accède à un langage qui, à la limite, dit ce qui ne pourrait pas être dit autrement. C'est vrai que la fabrication de son langage donne une clé à lire des choses sur comment aimer, sur comment être aimé, sur comment envisager la mort ou comment mourir, dont peu de poètes en parlent de cette manière-là, quoi, de façon complètement. C'est marrant, c'est-à-dire que c'est une chose qui reste complètement vivante. C'est-à-dire qu'il parle de cette mort, de cette façon d'aller à ces différentes morts, mais avec une façon dépouillée, mais avec un espèce d'entrain qui revient, où on va retomber à nouveau sur le jeu de ses constructions, de ses rythmes, dans son écriture, de ses divers. Sa façon de finalement il décortique ces espèces d'essences et de choses, quoi, pour ne garder que l'essentiel, quoi. Il enlève tout ce qui serait comme, c'est-à-dire que si on prenait une histoire romantique sur la mort, et bien on enlèverait tout le romantisme, il ne resterait plus que la mort symbolique, cool. Qui serait même presque plus la mort physique du personnage romantique, qui serait juste une espèce comme ça d'épreuve, et il ne resterait que cette espèce de petit noyau, cette petite chose comme ça essentielle, quoi. Nous avons fait parfait, parfaitement fait et défait comme des filles. Nous avons fait les laisser les 16 objets. Nous avons défini les 16 objets de la paix qui naîtra, de la pénétra, de la pénétration vie, violente et mort, mordante, de la pénétration unie, universelle. Les 16 objets pénètrent la paix, la pénétrante. Par rapport au texte sur lequel vous travaillez, Laurent Vauchez, Héros Limite, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de se demander limite à quoi ou limite de quoi. Et à la limite, est-ce que les limites ne sont pas faites pour être transpassées? C'est sûr que quand on vous dit que vous avez une limite, vous avez envie de passer au-delà. Je pense que s'il dit Héros Limite, transgressons cette limite. Allons au-delà, quoi. Passons de l'autre côté de cette limite. Je pense que c'est tout le monde a cette tentation. Si je vous dis, voilà, je vous mets une limite, ça serait quand même bien de la franchir. Donc il y a tentation, héros, limite. Je pense que oui. C'est la limite. À la limite, on est des héros. À la limite, on pourrait être des héros. Ou alors, on est des héros qui pourrions franchir la limite, passer de l'autre côté. Dans une recherche qui n'est peut-être pas si étrangère que cela à l'esprit de Gerasim Louka, je voudrais attirer l'attention tout d'abord dans ses livres de la semaine sur l'étude de Roger Bozzetto, Fantastique et mythologie moderne, aux publications de l'Université de Provence. C'est un livre qui commence par le rappel de ce qu'était d'abord le chamanisme, c'est-à-dire la croyance dans une surnature, la manière dont l'homme établissait un commerce avec les oiseaux, avec les astres, avec ce qu'en toute généralité on appellera les esprits supérieurs, et Roger Bozzetto essaie de voir comment il y a un certain nombre de ces thèmes qui refont surface dans notre propre culture. Il suffit de penser à des écrivains comme Jules Verne, par exemple, comme René Ainé, ou bien entendu à Mary Shelley et son fameux Frankenstein. Mais en même temps, il nous montre comment, au-delà de la littérature, on trouve quelque chose de cet ordre dans des projets utopiques, comme dans le domaine politique, avec quelqu'un comme Louise Michel. Bien entendu, on pourrait aussi penser, par exemple, à quelqu'un comme Auguste Blanqui, l'un des plus grands révolutionnaires du XIXe siècle, qui avait imaginé tout un système qui tenait d'abord et avant tout à ses croyances astrologiques, et enfin, qui nous fait déboucher, sans aucun doute, sur ce qui est tellement en vogue aujourd'hui, à savoir la science-fiction d'une part, et au-delà de la science-fiction traditionnelle, ce que l'on appelle la fantasy, qui nous introduisent dans un fantastique, qui nous introduisent dans des mythologies ultra-modernes, ou certains diraient post-modernes. Il suffit évidemment de penser aux œuvres, par exemple, de Philippe-José Farmer ou de Philippe K. Dick, et aux illustrations qui ont été données au cinéma, par exemple avec le Blade Runner, tiré d'un roman de Philippe K. Dick et mis en scène par Ridley Scott. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de permanence de structure de l'imaginaire devant les angoisses, devant l'imprévu, devant la manière dont, pour l'homme, il est quasiment impossible d'arriver à dominer son destin, c'est-à-dire de s'en donner les clés, de s'en rendre maître de moi-même comme de l'univers, comme dit Auguste dans le Cinna de Corneille, et comment, d'une certaine façon, le fantastique et les mythologies, contrairement à tous les progrès de l'esprit de la science que l'on avait pu croire, et contrairement à la philosophie positiviste de la fin du XIXe siècle, comment ce fantastique et ces mythologies irriguent au contraire totalement nos consciences d'aujourd'hui. Les savants ont remplacé les dieux anciens et ils façonnent nos consciences et notre univers en fonction d'obscures quêtes. Comme les dieux, ils nous sont imprévisibles. Les progrès qu'ils font ne nous rassurent en rien. Ils transforment le monde plus rapidement que nos possibilités de le penser. et notre angoisse s'exprime à la fois dans les tentatives de l'imaginaire à le préfigurer et dans l'inimaginable d'un monstrueux à venir. Puisque, à propos de ces structures de l'imaginaire, Roger Bozzetto nous parlait du chamanisme, je voudrais m'intéresser là à l'ouvrage de Jérémy Benoît, Le chamanisme, origine et expansion de la culture indo-européenne, chez Berg International. Jérémy Benoît, il faut le savoir, est un élève de Georges Dumézil, et donc il mène toutes ses analyses selon les thèses de la trifonctionnalité, c'est-à-dire le souverain d'une part, le sacerdote de l'autre, le guerrier, et puis enfin les producteurs. Et ce qu'il essaie de montrer, car il s'agit bien d'une hypothèse de sa part, c'est qu'à travers l'expansion de la culture indo-européenne, il y a eu une expansion vers l'ouest. Cela, nous le savions depuis longtemps, évidemment, que ce soit les pays baltes, que ce soit les Scandinaves, que ce soit les Celtes. Il y aurait eu aussi une expansion vers l'est, c'est-à-dire l'hypothèse de ce qu'il appelle un ancien empire scythe, qui aurait intégré des éléments mongoloïdes et que l'on retrouverait, par exemple, dans la mythologie des Yakouts, en Sibérie, ou dont éventuellement on retrouverait même certaines traces dans le Shinto du Japon. Et même si l'on n'est pas toujours absolument convaincu par l'ouvrage de Jérémy Benoît, il est tout à fait intéressant de voir comme des choses que nous croyons très bien connaître, comme la fameuse chanson sur Dagobert et Saint-Éloi, comme la figure de Saint-Nicolas, en tant que Saint-Nicolas a donné lieu ensuite au Père Noël, comme une œuvre comme le roman de Renard, sont en droite ligne les héritiers précisément de cette culture indo-européenne et remettent en circulation, imprègnent notre univers d'un certain nombre de thèmes qui plongent dans la nuit des temps. Si le dieu Odin peut changer de forme et devenir lui-même un animal, cela expliquerait pour quelle raison le Père Noël héritier d'Odin, le dieu chaman de Dumézil, voyage dans les airs, à l'instar d'un chaman en transe ayant abandonné sa forme humaine pour emprunter celle de son animal esprit, le renne en l'occurrence. Et puis, en changeant d'époque, mais en restant pourtant dans la même ère de culture, je voudrais signaler l'apparition aux éditions Jérôme Millon, d'une part des Passions d'amour, les Erotica Pathemata de Parthénios de Nicée, en deux volumes, et l'étude qui en est menée, ou plus exactement l'étude collective qui en est menée sous la direction d'Arnaud Zucker, sous le titre « Littérature et érotisme dans les passions d'amour » de Parthénios de Nicée. Parthénios de Nicée, qui est-ce, sinon cet immense intellectuel de la fin de la République et du début de l'Empire romain, qui a été très oublié au profit peut-être d'écrivains plus illustres, mais qui, écrivant à travers des fragments, écrivant quasiment avec des poèmes en prose, s'intéresse à toutes les variantes, si l'on peut dire, de la passion d'amour et va influencer énormément quelqu'un comme Ovide, que nous connaissons beaucoup mieux et qui, d'une certaine façon, a marqué toute notre tradition littéraire. En réalité, à travers Parthénios de Nicée, nous trouvons des versions tout à fait uniques de thèmes mythologiques que nous croyons connaître ou parfois que nous ne connaissions pas du tout, et des passions extrêmement violentes. On retrouve effectivement le pathos dans les pathématas, dans les passions, c'est-à-dire ce que l'on subit, ce qui nous fait sortir hors de nous-mêmes. Et l'un des exemples est celui de Paris, le Paris de l'Hélène de Troie, qui tue son fils Corytos, coupable d'adultère avec cette même Hélène. Et en même temps, nous découvrons tout un certain nombre d'histoires que nous ignorions de la mythologie ancienne, que ce soit l'histoire d'Hipparinos, que ce soit celle de Caïlonis, par exemple, inconnue autrement, et qui nous introduisent, puisque Parthénios de Nicée est un grec qui vivait dans l'Empire romain, qui nous font découvrir une Grèce qui n'est pas la Grèce lumineuse, la Grèce trop facilement apollonienne à laquelle nous étions habitués, mais qui nous introduit au contraire au vertige, au gouffre, aux abîmes de cette ancienne Grèce. Considérant qu'elle avait subi de la part de son père un outrage monstrueux et contraire à toute loi, Harpalyqué coupe en morceaux son plus jeune frère. Et comme, chez les Argiens, on célébrait une fête accompagnée d'un sacrifice, au cours duquel tout le monde festoie, elle accommode la chair de l'enfant et la sert à son père. Enfin, dans un horizon radicalement différent, mais qui peut nous faire profondément réfléchir, je voudrais attirer l'attention sur la traduction, la nouvelle traduction de l'Ecclésiaste par Daniel Giraud sous le titre « Tout est vain, parole de Coëlette, dit l'Ecclésiaste » aux éditions des Révolutions intérieures. Daniel Giraud, nous le connaissions déjà par l'intérêt et les traductions qu'il avait données de cet immense poète chinois qui était Li Po, ou le travail qu'il avait fourni sur le Viking. Mais à travers son intérêt pour l'Ecclésiaste, on voit d'une part comment précisément on échappe à ce titre qui nous avait été imposé jusqu'ici de l'Ecclésiaste, qui joue en réalité sur une manière d'accommoder les mots, puisque cela renvoie au verbe grec kaleo, appelé, d'où on avait tiré l'Ecclésia, l'assemblée qui était appelée, autrement dit l'Église, alors qu'il s'agit bien de Coëlette, et d'une certaine façon, Daniel Giraud nous ramène au texte premier, c'est-à-dire à cette idée, contraire à toute notre façon d'appréhender les textes sacrés de notre culture, c'est-à-dire, en fin de compte, la Bible, l'Ancien Testament, cette idée que rien n'a de sens, que le sens est quelque chose qui ne nous est pas donné, qui ne structure pas la vie et qui nous fait redécouvrir un texte en le traduisant au plus près, et en particulier, évidemment, je pense au fameux vanitas vanitatum, vanité des vanités. Or, en hébreu, ce que l'on trouve, c'est hevel hevelim, c'est-à-dire, étant donné le sens du mot hevel, buée des buées, vapeur des vapeurs, ou alors, il faudrait reprendre le mot de vanité, mais dans le sens, évidemment, qu'il avait à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, sens que nous avons largement perdu. Or, ce qui ressort de tout ce texte, c'est que Dieu est un être inexplicable, est un être incompréhensible, ce qui nous renvoie d'ailleurs à la façon dont Dieu parle à Job à la fin du livre de Job, « Comment peux-tu me comprendre, moi qui ai fait Béhémoth, moi qui ai fait Léviathan ?» à savoir que nous devons nous prosterner devant ce qui est le mystère absolu, devant ce qui ne peut être ni représenté, ni dit, ni compris par notre pensée rationnelle. « Tout à fait vain, » dit Coëlette, « tout à fait vain, tout est vain. Que retire le genre humain de tout le travail qu'il endure sous le soleil? Une génération s'en va, une génération s'en vient, mais la terre reste, toutes les paroles sont lassantes, on ne peut plus les dire. Ce qui a été est ce qui sera. Ce qui s'est fait est ce qui se refera. Rien de nouveau sous le soleil. Les livres aujourd'hui. Fantastique et mythologie moderne de Roger Pozzetto aux publications de l'Université de Provence. Le chamanisme, origine et expansion de la culture indo-européenne de Jérémy Benoît chez Berg International. Passion d'amour de Parthénios de Nicée et Littérature et érotisme dans la passion d'amour de Parthénios de Nicée, un collectif sous la direction de Arnaud Zucker, ces deux livres chez Jérôme Millon. Et enfin, une nouvelle traduction de l'Ecclésiaste de Daniel Giraud, Tout est vain, aux éditions Révolution intérieure. C'était Les vivants et les dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Laurent Vauchez. Texte lu par Alain Fromager, à l'accordéon, Joanne Richer. Le spectacle sur Gerasim Louka est donné à la Maison de la Poésie à Paris du 23 au 27 avril et du 23 au 25 mai. Mixage Amantine Grévoz, réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azéra.